AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand Alexandre Dumas raconte l'histoire, prenons dans la bibliothèque ce beau volume de 1844 et lisons les premières lignes. Il y a un an, à peu près, qu'en faisant à la Bibliothèque royale des recherches pour mon histoire de Louis XIV, je tombais par hasard sur les mémoires de M. d'Artagnan, imprimées à Amsterdam, chez Pierre Rouge, comme la plus grande partie des ouvrages de cette époque où les auteurs tenaient à dire la vérité sans aller faire un tour, plus ou moins long, à la Bastille. Histoire, références bibliographiques, documents, sources... Ouvrage d'un historien, sans doute, hein, Louis XIV, Anne d'Autriche, Richelieu, Mazarin. Non, historien, oui. Le titre est séduisant, très vite apparaissent d'autres personnages. Monsieur de Tréville, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan. Nous avons entre les mains les trois mousquetaires. Un univers s'offre à nous, que l'histoire commence. Judith Lioncamp, bonjour. Bonjour. La littérature, mais c'est toujours de l'histoire à y réfléchir, sinon la science-fiction qui imagine le passé. Mais du moment où l'auteur se place à un moment donné, il raconte une histoire, parfois celle du temps présent, souvent celle du temps passé. À quel moment peut-on parler de roman historique ? Le roman historique, c'est le roman qui s'empare des événements du passé. Donc après, il y a toutes sortes de manières de le faire. Et Dumas a imprimé une marque fondamentale au roman historique, mais il y a toutes sortes de manières de le faire avant lui et après lui. Et le moment Dumas, au XIXe siècle, est essentiel dans cette histoire du roman historique, disons-le, par un effet de mode, d'intérêt du public. Il y a un lectorat important pour ce type de littérature. Le lectorat du XIXe siècle est fasciné par le passé. Donc il n'y a pas seulement le roman historique, il y a le théâtre historique, il y a les historiens eux-mêmes. Et puis il y a la peinture d'histoire. Donc Dumas fait partie d'un mouvement, dont il est un des acteurs principaux, de passion pour le passé. Passion pour le passé, comment peut-on expliquer qu'au XIXe siècle, il y ait cet intérêt pour tous les événements du passé, sachant que le XIXe siècle est le fruit d'événements majeurs, la Révolution française, l'épisode napoléonien, des intensités d'actualité. D'un seul coup, il y a un vrai désir de retour en arrière, de comprendre. Je ne dirais pas que c'est un désir de retour en arrière, c'est plutôt, en tout cas dans le lectorat de Dumas, une extrême curiosité pour ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, Dumas donne à lire l'histoire à des générations qui, pour l'essentiel, n'ont pas connu la Révolution française, ni l'Ancien Régime. Et donc, son roman historique, il raconte à la première génération, aux premières générations post-révolutionnaires, ce qui s'est passé avant. Et donc, il y a une immense curiosité pour comment c'était à l'époque de Louis XVI, à l'époque de Louis XV, à l'époque de Louis XIV, évidemment, et puis pendant la Révolution. Et donc, tous ces grands cycles viennent répondre à cette curiosité pour l'Ancien Régime. Oui, l'Ancien Régime qui passionne. Et puis avec Dumas, très vite, les fils sont tirés sur toutes les périodes possibles. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais Dumas n'est pas le seul, hein, vous nous l'avez dit, Judith Lioncamp. C'est un mouvement au XIXe siècle. Et autour de Dumas, il y a plein de gens qui s'intéressent à ça. C'est-à-dire que dans les années 1820, il y a la grande vogue de Walter Scott qui est traduite tout de suite en français et qui est lue dans toute l'Europe. Il y a des imitateurs de Scott. Alfred de Vigny écrit 5 mars en 1826. Donc il y a une vogue du roman historique qui commence en fait dès les dernières années de la Restauration. Et Dumas entre dans le mouvement après avoir fait du théâtre, mais au moment où une nouvelle forme de communication littéraire s'est mise en place, qui est le roman feuilleton. Et le roman feuilleton, c'est essentiel dans cette histoire parce que nous parlons des supports de diffusion. Le mot roman apparaît, mais théâtre, vous l'avez dit, Judith Lioncan, et le feuilleton, c'est tout un univers en fait. Pour lire du roman historique, il y a plein de supports possibles. Isabelle Safa, bonjour. Bonjour. Justement, dans la carrière de Dumas, à quel moment s'intéresse-t-il à cette forme très particulière, presque nouvelle, parce que Dumas, dramaturge, Dumas est un homme de théâtre. En fait, il s'oriente vers le roman historique. Alors Dumas, effectivement, a commencé par faire du théâtre, mais il s'intéressait déjà à l'histoire à ce moment-là, puisque son premier grand succès au théâtre en 1829, c'est Henri III et sa cour. Donc l'intérêt pour l'histoire précède le passage à la forme romanesque, qu'il néglige dans un premier temps parce que le roman a un petit peu mauvaise presse. Et il pense que c'est vraiment le théâtre, la grande forme, qui lui permettra de conquérir le monde littéraire. Il commence à s'y intéresser à la fin des années 30 avec un roman sur l'Antiquité qui s'appelle Actée et qui se passe sous le règne de Néron, qu'il publie en 1838. Et puis en fait, il y a deux choses qui font qu'il va s'intéresser plus au roman. D'une part, la rencontre avec Auguste Maquet, qui est un jeune historien désireux de collaborer avec lui. D'autre part, le succès justement de cette forme qu'est le feuilleton, qui a été lancé avec une nouvelle formule médiatique par Émile de Girardin, qui crée la presse en 1836 et qui a cette idée que pour que le journal se vende et soit populaire, eh bien on va diviser le prix de l'abonnement en introduisant de la publicité et du feuilleton, c'est-à-dire une forme qui va être suivie du jour au lendemain et qui va fidéliser les lecteurs. Et le grand feuilleton qui a un succès phénoménal à l'époque, en 1842, c'est Les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Et là, Dumas se dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire avec le feuilleton. Et avec Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, nous ne sommes pas dans le roman historique au sens où Eugène Sue s'intéresse au monde un peu interlope, celui des bas-fonds de Paris. Mais avec Dumas, d'un seul coup, eh bien, il y a cette exploration du passé par les grands personnages, par plein d'événements. C'est magnifique, mais vous l'avez souligné, Isabelle Safa, la presse est essentielle dans cette histoire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le bon monsieur de la Palice n'aurait pas manqué de constater avec nous que chaque journal, ayant ou ayant eu un directeur, c'est au fond toute l'histoire de la presse que je devrais faire défiler devant vous s'il fallait vous entretenir de tous les directeurs de journaux d'hier à aujourd'hui. À vrai dire, c'est sous la Restauration que naît la presse moderne. L'inventeur du journal moderne, ce fut sans conteste Émile de Girardin. L'inventeur de la technique moderne, ce fut Hippolyte de Villemessant. Ces deux hommes ont non seulement dominé une époque, mais ils ont aussi doté leurs successeurs de moyens dont l'ampleur n'est plus à décrire aujourd'hui. Que reste-t-il d'eux dans ce monde moderne qui leur doit tant? Deux noms, c'est à peu près tout. Le vrai nom de la presse, c'est l'oubli, a d'ailleurs écrit Girardin. Et n'est-il pas vrai qu'on donne aux journaux le nom de feuille qu'emportera le vent ? C'est très joliment dit. Louis-Gabriel Robinet, un écrivain qui s'exprimait en 1958 dans les grandes conférences radiodiffusées. Judith Lioncan, faire l'histoire du roman historique ou d'Alexandre Dumas, c'est aussi faire l'histoire de la presse, faire l'histoire des techniques, faire l'histoire de la diffusion. Pour expliquer ce succès, c'est bien qu'il y a des moyens de diffusion beaucoup plus forts. Et nous l'avons dit, le feuilleton dans la presse. C'est-à-dire que Dumas a compris qu'il y avait un public à conquérir, un lectorat à séduire. Et il a très vite compris aussi, mais comme Eugène Sue, moins comme George Sand et encore moins comme Balzac, comment couler son écriture dans le rythme du quotidien et construire une sérialité complètement addictive en réalité. Alors ça donne des phrases qui sont parfois très tarabiscotées parce que les écrivains de feuilleton étaient payés à la ligne. Et quand on a cette impression qui est en fait souvent délicieuse à la lecture que Dumas en rajoute, c'est aussi qu'il remplit son feuilleton du jour. Voilà, donc il y a un aspect de remplissage comme ça. Mais il est capable, probablement mieux qu'aucun autre, de construire des intrigues et de retomber sur ses pieds, de mêler des fils. Et puis, il faut voir qu'il écrit plusieurs romans en même temps, hein, puisque entre 1844 et 1850, il écrit plus d'une dizaine de romans, qui sont des romans très longs, qui se passent à plusieurs époques en même temps. Et donc, il arrive quand même, même si, comme on l'a dit, il ne travaille pas tout seul, hein, Il arrive à mener de front le récit de la fin de la Renaissance, le récit de Louis XIII et de Louis XIV, et le récit des origines de la Révolution française. Il ne faut pas se mélanger. Non. Mais justement, dans ce travail, Isabelle Safa, comment s'organise Alexandre Dumas? Comment il travaille? Beaucoup, déjà. Et alors, pour ce qui est de la collaboration avec Maquet, puisque la décennie évoquée par Judith Lioncamp, pendant laquelle il va produire effectivement la plupart de ses grands cycles historiques, c'est avec Maquet qu'il va les produire. Donc les deux hommes se mettent d'accord sur ce qu'ils appellent une botte de plan, c'est-à-dire qu'ils vont imaginer ensemble la structure un petit peu de l'œuvre. Et ensuite, Maquet est en général préposé aux recherches historiques. Il fournit une première version que Dumas amaigrit beaucoup, d'un côté, puisqu'il enlève les scories, et d'un autre côté, il va ajouter les dialogues, il va ajouter l'action, en dramaturge qu'il est, et en dramaturge conscient qu'il faut justement représenter une histoire vivante, une histoire qui accroche, qu'il faut faire voir. Oui, parce que c'est cela aussi, ce dialogue qui nous permet de saisir le roman historique, ce dialogue avec le théâtre. Et nous ne dirons jamais combien au XIXe siècle le théâtre est d'importance. Et dans l'écriture aussi, cet écho sans cesse entre ces gens qui passent du monde du théâtre au monde de la littérature. Et puis la manière de consommer, pour le dire de manière triviale, l'œuvre Judith Lioncamp, vous l'avez bien dit. C'est vrai que parfois ça nous semble long, oui, mais les gens lisaient à une journée d'écart, parfois une semaine d'écart quand c'était publié dans un hebdomadaire. Ce n'est pas comme lire aujourd'hui. Pourtant, très vite, ces feuilletons étaient réunis et publiés en volume. Oui, alors il y a toute une économie qui va entre le roman, entre la presse et la librairie, enfin ce qu'on appelle la librairie au XIXe siècle, qui est l'édition. Donc les grands romanciers vendent leurs œuvres à des libraires éditeurs qui très vite donc publient et qui publient souvent dans plusieurs formats, dans des éditions illustrées, puisqu'on est au moment aussi de l'explosion de la lithographie. Et pour la diffusion du roman de Dumas, l'illustration est aussi importante que l'adaptation au théâtre. En fait, dans la matrice du roman donne d'un côté des pièces de théâtre. Dumas possède un théâtre dans les années 1840, le théâtre historique, sur lequel il fait représenter des pièces qui sont adaptées de ses romans, quand ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire que certains romans sont issus de pièces de théâtre qu'il a conçues pour le théâtre historique. Et d'un autre côté, il y a l'explosion de l'illustration, si bien que des lecteurs qui sont de faibles lecteurs ou des gens qui n'ont pas accès à la lecture connaissent les histoires des romans feuilletons par l'intermédiaire de l'illustration qui circule parfois détachée des supports du livre. Et puis, dans cette image d'Alexandre Dumas, nous avons le romancier comme une évidence, celui qui peut même s'enrichir avec ses romans. Il se fait construire le château de Monte Cristo. Par contre, en tant que directeur de théâtre, Isabelle Safa, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est un assez mauvais administrateur et l'expérience du théâtre historique l'a montré, c'est-à-dire qu'il a confié en réalité la gestion de tout ce qui était à faire à des gens qui étaient soit des incompétents, soit des escrocs, ce qui fait qu'assez rapidement, en réalité, le théâtre a périclité. Alors, il faut dire qu'il n'a pas été aidé par les événements, puisque la révolution de 1848 a éloigné le public des théâtres, mais en l'espace de quelques mois, finalement, le théâtre est déclaré en faillite sur la demande des acteurs eux-mêmes, qui sont lassés de ne pas être payés. Et donc l'expérience, malheureusement, tourne court. Mais le théâtre historique est une aventure sensationnelle. On imagine bien Alexandre Dumas qui voit le succès de ses feuilletons, donc adaptés en roman, puis en théâtre, et puis tout le monde en parle. Et puis ce sont des personnages familiers. Justement, quelle période historique intéresse Alexandre Dumas dans sa chronologie d'œuvre? Par quoi commence-t-il dans l'histoire? En roman. En roman. Alors, je vous ai dit qu'il avait commencé avec un roman sur l'Antiquité tout à l'heure, mais comme l'a rappelé Judith Lioncamp tout à l'heure, il s'intéresse à un petit peu tout en même temps. C'est-à-dire qu'en 1844, effectivement, il fait Les Trois Mousquetaires en même temps que Le Comte de Monte Cristo, donc le grand siècle et l'histoire très contemporaine. Il lance assez rapidement l'histoire de la Révolution française, à laquelle, d'ailleurs, il a commencé à s'intéresser, alors sous la forme de la nouvelle, dès 1826. Et donc, la période de la Révolution est celle qui, finalement, l'aura occupé le plus longtemps. Parce qu'en fait, il commence avec une nouvelle, donc, qu'il réécrit une deuxième fois en 1831. Ensuite, de 1846 à 1853, il fait sa tétralogie sur la Révolution française qu'il entend représenter dans sa totalité. Donc, en fait, il va remonter à l'arrivée de Marie-Antoinette en France, donc bien en amont finalement de la prise de la Bastille, parce que pour lui tout commence à ce moment-là, et qu'il va poursuivre jusqu'à la mort de Louis XVI dans le dernier volume de cette tétralogie. Et puis il revient à la Révolution française en 1868-69, donc juste avant sa mort, pour faire Création et Rédemption. Donc vous voyez que tout au long de sa vie, il s'est intéressé à cet événement-là, parce que comme il le dit dès la première nouvelle, et ça montre aussi la réflexivité de sa manière d'envisager l'histoire, il fait un commentaire donc sur la difficulté qu'il y a pour sa génération, je le cite, d'envisager froidement ce chiffre longtemps regardé comme fatal, 93, et il souligne la nécessité de refaire toute son éducation politique avant d'y parvenir. Donc il a très tôt cette idée que la Révolution française est un moment extrêmement fondateur et qu'il va bien falloir s'affronter sur un autre mode que celui de l'effroi ou de l'enthousiasme. Oui, parce que le 19e siècle est celui où l'on réfléchit au temps passé. Il y a le romancier qui s'intéresse à l'histoire et puis il y a l'historien. Michelet a tenu la première place de 1840 à 1870. C'est le seul historien qui compte, mais c'est l'historien qui était capable de réunir des foules au Collège de France, qui était capable de provoquer des foules de protestation lorsqu'il a été révoqué par le Second Empire, et c'est l'historien qui a été lu par la France cultivée entière des années 60-70. Mais la génération qu'on peut appeler positiviste qui suit 1870, elle, a récusé Michelet, l'a considéré comme un rêveur, un romantique, un poète, comme il a été dit 100 fois pour une. Ce sont les débuts de la Troisième République. Où l'histoire française se met à l'école allemande et où elle estime qu'il n'est plus possible de faire de l'histoire à coup de rêverie comme on prétendait que Michelet l'avait fait. Je dis bien comme on prétendait, mais il faut bien voir que jusqu'aujourd'hui, l'école historique française est sous la domination de ce positivisme et qu'elle s'en dégage très péniblement à l'heure actuelle seulement, c'est-à-dire un siècle presque après la mort de Michelet. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'était 1966 quand s'exprimait l'historien Robert Mandrou. Robert Mandrou, donc vraiment figure aussi de la réflexion de l'histoire, de cette histoire des mentalités, qui réfléchit à l'apport de Michelet, Judith Lyon-Camp. Nous avons un monde très particulier au 19e siècle dans son rapport à l'histoire, au sens où des historiens deviennent des hommes politiques, ou alors l'inverse, on peut dire des politiques font beaucoup d'histoire. Ça ne nous surprendra pas aujourd'hui que l'histoire est sans cesse rapporté dans l'actualité et parfois utilisé, même très souvent utilisé, la place de l'histoire, la place de Michelet est essentielle, évidemment, pour comprendre le roman historique. Il y a un dialogue, là aussi, entre les gens de la littérature et Jules Michelet, entre autres. Alors, à plusieurs degrés. D'abord, la question de l'histoire de la Révolution française. Donc, il faut voir que quand Dumas lance son grand cycle, d'abord des mémoires d'un médecin, et puis ensuite la comtesse de Charny en Spitou, donc le grand cycle révolutionnaire, c'est le moment où Michelet commence son histoire de la Révolution française. Et dans la dernière partie de son écriture, Dumas écrit vraiment accoudé sur Michelet, si bien que quand on lit l'un et l'autre, on voit bien à quel point il cale son écriture sur le récit michelétien. Mais Michelet n'est pas le seul à écrire sur la Révolution française à ce moment-là. Il y a Louis Blanc qui commence son histoire de la Révolution française. Il y a l'histoire des Girondins de Lamartine qui est un des grands succès de la librairie de la fin des années 1840. Donc Dumas entre quand même dans un mouvement d'écriture souvent un peu romanesque quand même, en particulier chez Lamartine, de la Révolution française. Mais il y a quand même une très grande différence entre Michelet et Dumas. C'est que chez Michelet, je dirais qu'il y a quelque chose d'une réflexion sur les spectres du passé, sur l'angoisse qui vient du passé. Michelet, il se tient, sur le fleuve des morts. Enfin, il y a un rapport aux morts qui est très... Il fait parler les morts, il a cette idée d'une résurrection des voix des morts, qui est très forte chez Michelet. C'est pour ça qu'on dit que c'est un historien romantique. Alors que chez Dumas, le passé est plein, le passé est vivant, le passé est gai, le passé n'est pas angoissant. Voilà. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose dans le dialogue entre les deux qui est une humeur historiographique vraiment très différente. Isabelle Safa, sur ce rapport de Dumas et de Michelet. Alors, c'est vrai, ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Cela étant dit, Dumas a lui aussi enfin reprend cette métaphore de la résurrection dès 1836, c'est-à-dire que il considère comme beaucoup d'autres, hein, comme Augustin Thierry par exemple, l'historien Augustin Thierry, que l'histoire ne doit pas être une chronique sèche ou une suite de dates, et il reprend cette métaphore de l'historien un peu prophète qui va aller appeler les morts. Et donc il y a des citations assez longues dans lesquelles il dit l'historien, ce roi du passé, n'a qu'à appeler, et puis au son de sa voix, dans la vallée de Josaphat, les morts vont se lever, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'angoisse qu'on retrouve chez Michelet. Donc le rapport de Dumas à Michelet est un rapport à la fois d'admiration qui ne s'est jamais démenti. En même temps, il s'en sert comme source. Judith Lioncan a rappelé que justement il s'appuyait de plus en plus sur lui pour sa tétralogie. Il dit même à un moment donné qu'il est obligé d'interrompre l'écriture de la comtesse de Charny parce qu'il lui manque les derniers volumes de Michelet. Donc il s'en sert comme source, il s'en sert comme caution aussi. Et en fait, on va voir dans la progression de l'écriture, l'écriture de Dumas se calait effectivement de plus en plus sur celle de Michelet, jusqu'à en adopter d'une part la forme, avec un lyrisme justement assez emphatique, et les systèmes d'explication, c'est-à-dire qu'il va mettre en fiction les causalités historiques dégagées par Michelet. Il va les incarner dans des personnages. Et parce que c'est ça aussi, c'est cette narration qui nous emporte, hein, encore avec Alexandre Dumas, mais des personnages d'une histoire vivante. Judith Lioncan, vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. La lecture et la vie, les usages du roman au temps de Balzac, vous avez publié L'historien et la littérature avec Dina Haribar. Et justement, au moment de mettre en place cette réflexion sur l'usage même du roman historique. Pour les lecteurs, c'est une évidence qu'il s'agit d'une narration, bien certain, parce que nous sommes au 19e siècle, il n'y a pas toutes ces représentations que nous avons avec des schémas très nets entre le livre d'histoire, le roman historique. Le lecteur sait qu'il s'agit d'une narration. Je ne pense pas qu'aucun lecteur de Dumas ait jamais pensé qu'il lisait un livre d'histoire savante, hein. Y compris les lecteurs du 19e siècle. C'est-à-dire que d'abord, parce que le lieu où ils lisent le roman feuilleton, c'est l'espace du romanesque. Bon. Et parce que le roman dumasien est, je dirais, exubérant de romanesque. C'est-à-dire que, et puis il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de rapport à l'érudition, alors qu'il y a des romanciers historiques au XIXe siècle qui ont un rapport d'exhibition de leur érudition. Même Eugène Sue, quand il fait des romans historiques, il met des notes. Il dit ce qu'il a lu. Dumas, jusqu'à la période Michelet, au contraire, c'est vraiment l'histoire qui se passe de notre bas de page, avec cette idée qu'il faut l'incarner dans des personnages qui sont des personnages de fantaisie. Et puis, il y a chez Dumas une sorte d'usage assez réjouissant de l'anachronisme contrôlé, c'est-à-dire que c'est souvent des histoires du XIXe siècle qui sont placées dans des décors anciens, et des décors qui sont aussi des décors, je dirais, un peu kitsch, hein, des décors, en particulier le rapport de Dumas avec le XVIIIe siècle est vraiment un rapport de décorateur, de tapissier. Il adore décrire les intérieurs, mais à une époque où de toute façon, on adore se meubler en Louis XV, en Régence ou en Louis XVI. Donc de même que les bourgeois achètent des fauteuils Louis XVI, il installe des intrigues dans un décor 1750 ou 1760. Oui, parce que nous le savons bien, hein, il faut répondre à l'intérêt du public. Le but d'Alexandre Dumas, c'est aussi de vendre. Enfin, ça ne sert à rien de faire un livre qui ne va intéresser personne. Isabelle Safa, vous êtes docteur en littérature française. Votre thèse, c'est « Du temps retrouvé au temps réfléchi ». Enjeux idéologiques et narratologiques de la mise en roman de l'histoire dans l'œuvre d'Alexandre Dumas, père. Et puis il y a un Alexandre Dumas là qui arrive aux presses universitaires de France. Et justement, dans cette réflexion sur la mise en récit de l'histoire, oh, la place est toujours là. Une petite place pour la vérité historique, c'est ce fantasme, ce mythe, la vérité historique. Comment fonctionne Alexandre Dumas là-dessus? Donc il y a un travail préparatoire avec des faits, des événements, des personnages. Et puis après, c'est Alexandre Dumas qui va enrober tout ça. Oui, effectivement. Donc il y a ce travail préparatoire qui est fait par le grand collaborateur. Donc c'est Auguste Maquet. Il y en a eu d'autres. Dumas a effectivement une. Alors il ne s'est pas tout de suite prétendu historien, Mais à mesure que justement la discipline historique gagne en notoriété et en légitimité, il va avoir tendance à endosser cette posture-là. Alors effectivement, ça ne veut pas dire que ses lecteurs le prennent pour un historien, mais il va utiliser ce mot pour qualifier ce qu'il fait. Et l'idée qu'il a de l'histoire est celle, là encore, de pas mal de gens à son époque, c'est-à-dire une histoire orientée par l'idée de progrès et par une certaine téléologie. C'est-à-dire qu'on va aller... il considère que le christianisme était là pour apporter la civilisation européenne, elle-même pourvoyeuse de liberté. Et donc, progressivement, il va faire en sorte que ses romans se mettent tous dans ce moule pour annoncer, d'où les anachronismes aussi volontaires, pour annoncer justement la liberté à venir. Donc il va penser toute cette histoire-là, toute la représentation de cette histoire, en fonction de ce but-là qui est l'avenir. Et par rapport à la manière dont il procède, à mesure qu'il se rapproche de la période contemporaine et qu'il passe de sources qui sont des chroniques, des mémoires, donc de l'histoire déjà un petit peu romancée, donc il n'y a pas de notes effectivement, à mesure qu'il se rapproche de la période contemporaine, on va le voir intégrer des documents historiques, des lettres, des rapports, des extraits de lois. Il le fait beaucoup dans l'histoire de la Révolution, pour son histoire de la Révolution, puisque évidemment il s'appuie sur Michelet. Il le fait aussi quand il fait l'histoire de la Révolution italienne. Et là, ce sont des documents auxquels il a eu accès de première main, puisqu'il a pu aller dans les archives italiennes. Et puis, c'est vrai que dès qu'il s'interroge sur des périodes contemporaines, il y a un écho, parce que c'est toujours phénomène de génération, hein, quand Alexandre Dumas s'intéresse, au retour de Napoléon. Le retour de l'île d'Elbe en 1815, les gens sont encore vivants, il y a encore des contemporains, et dès lors, dans le Comte de Monte Cristo, il y a un peu de politique. On était à la table, et la conversation roulait, brûlante de toutes les passions de l'époque. Passions d'autant plus terribles, vivantes et acharnées dans le midi que depuis 500 ans, les haines religieuses venaient en aide aux haines politiques. L'empereur, roi de l'île d'Elbe, après avoir été souverain d'une partie du monde, régnant sur une population de 5 à 6 000 âmes, après avoir entendu crier « Vive Napoléon !» par 120 millions de sujets et en 10 langues différentes, était traité là comme un homme perdu à tout jamais pour la France et pour le trône. Les magistrats relevaient les bévues politiques, les militaires parlaient de Moscou et de Leipzig, les femmes de son divorce avec Joséphine. Il semblait à ce monde royaliste tout joyeux et tout triomphant, non pas de la chute de l'homme, mais de l'anéantissement du principe, que la vie recommençait pour lui et qu'il sortait d'un rêve pénible. Daniel Koenigsberg qui lisait un extrait du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes. Ah ben il y a de la politique dans le Comte de Monte Cristo. Nous sommes en 1844, hein, quand Alexandre Dumas, et il faut toujours le rappeler avec Auguste Maquet, parce que quand même c'est oublié de l'histoire, donc rappelons-le, publie le Comte de Monte Cristo à 1844. C'est la période où il est question de bonapartisme en France, il y a eu des tentatives de coup d'État. Enfin, en tout cas, une par Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu. Dites-nous, Isabelle Safa, quelle est justement cette part de réflexion politique, d'utilisation de l'histoire pour faire un écho aux problèmes contemporains chez Alexandre Dumas ? Elle est très importante, et effectivement, dans le Comte de Monte Cristo, l'histoire de vengeance de laquelle il s'inspire et qui va tirer dans des archives de la police, lui sert en fait à faire une peinture de la monarchie de Juillet comme un régime totalement corrompu et illégitime, puisque les trois personnages qui ont précipité le jeune Edmond Dantès en prison sont, 15 ans après, au moment où il ressort de prison, au pouvoir et représentent chacun un pilier important de cette monarchie de Juillet. Danglars est devenu banquier, Villefort est procureur, donc il incarne la justice, et Morcerf est dans l'armée, alors qu'en fait c'est un lâche et un traître. Et donc, à travers cette histoire de vengeance, il y a une représentation, il y a une conception de l'histoire de Dumas qui repose sur l'idée que l'histoire, c'est aussi pour faire justice et pour exposer la fraude que représente ce régime. Et donc ça, ça correspond à une mise en fiction qui révèle son engagement politique à lui de républicain. Mais c'est quelque chose qu'il a théorisé assez tôt, en fait, dans un ouvrage qui s'appelle « Gaulle et France », qui est sa seule et unique tentative de faire historien sérieux, d'une certaine façon, qui est d'ailleurs un ouvrage très appuyé sur Augustin Thierry et sur les historiens de son époque. Mais dans « Gaulle et France », il fait quand même prédiction assez étonnante, puisqu'il commence à l'écrire en 1832, c'est que la monarchie de Juillet est un régime condamné. Il l'écrit dès 1832. Deux ans après le début, donc c'est assez On pourrait dire longtemps avant la fin, quand même. C'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'il dit que ce régime est condamné parce qu'il n'a pas de précédent. Et donc Dumas a très vite l'idée que le problème de la monarchie de Juillet, ça allait être quelle succession ? Et c'est ça. C'est effectivement un petit peu... Ça fait partie du problème, on va dire. Judith Lioncamp, parce que tous ces éléments-là sont à prendre en compte dès qu'il s'agit du roman historique. Il y a cette succession de régimes très rapide au XIXe siècle. C'est rare que nous dépassons aussi 10 ans, un peu plus. Mais enfin bon, l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, le Second Empire et puis à la fin la République. Et puis il y a l'effet des générations qui sont beaucoup plus lentes. Les gens vivent longtemps. Et le roman historique s'inscrit dans tout cela. C'est cette passion de comprendre le passé à un moment où l'actualité aussi va très vite. Oui, c'est ce rapport au temps politique qui est souvent présenté comme chaotique, illisible, brouillé, incompréhensible. Et donc, le roman historique, mais le roman en général, puisque Le Comte de Monte Cristo est une histoire contemporaine, et Balzac, George Sand, Eugène Sue, à la même époque, font des romans qui sont assez similaires, sont là pour donner une sorte d'intelligibilité au devenir historique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dumas s'engage dans la Deuxième République en 1848, donc après février, alors il est ruiné par la fermeture des théâtres, comme l'a dit Isabelle Safa, mais il se voit un avenir politique à ce moment-là. Et il se voit un avenir politique comme une sorte de maître du temps, puisqu'il a prédit ce qui allait se passer. Il faut qu'il accède à la représentation politique, puisqu'il est celui qui maîtrise le temps, et aussi parce qu'il est celui qui, dit-il dans un article qu'il écrit au mois de mai 1848, il est celui qui a ressuscité devant le peuple son passé et qui lui a donné une conscience vivante de lui-même. Et donc il considère qu'il a une sorte de responsabilité de la conscience collective du temps, ce qui est tout à fait démesuré, mais la démesure n'est pas quelque chose qui fait peur à Dumas, mais qui fait bien partie de la conception qu'il a de son travail de romancier. Oui, parce que au moment de parler d'Alexandre Dumas, auteur de romans historiques, mais vous avez cité George Sand, Balzac et tant d'autres, Dumas s'inscrit dans un champ particulier, celui de la littérature, extrêmement foisonnant au XIXe siècle, et parmi tous ces auteurs, nous aurions pu citer Barbey d'Aurevilly. C'est fait. Valognes, Saint-Sauveur-le-Vicomte, c'est au cœur de la presqu'île du Cotentin qu'il nous faut aller chercher ces bonnes adresses-là. Ces adresses qui fleurent bon le pâturage et le verger normand et que l'on découvre, comme il se doit, sous la pluie. Oui, c'est ici, à l'ombre du vieux château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, que Jules Barbey d'Aurevilly, surnommé le connétable des lettres et le Walter Scott normand, naquit, passa son enfance et revint à maintes occasions. Voilà la maison familiale, sur laquelle une plaque rappelle aux passants que Barbey fut un poète, un romancier et un critique, qu'il vit le jour à Saint-Sauveur en 1808 et s'éteignit à Paris en 1889. Alors là, nous y étions. Nous étions en Normandie, dans le Cotentin. Et il pleuvait, vous avez entendu? Oui. Le coup était bas. Mais par contre, dans ce documentaire, les bonnes adresses du passé, c'était en 1964 sur l'ORTF, par Barbey d'Aurevilly, et considéré comme étant le Walter Scott normand. Judith Lioncamp, La griffe du temps, publiée chez Gallimard, ce que l'histoire peut dire de la littérature, c'est autour justement d'une nouvelle de cet auteur, une nouvelle de 1870, c'est l'année où meurt Alexandre Dumas d'ailleurs. Avons-nous ici un auteur qui s'est tenté au roman historique avec Barbey d'Aurevilly ? Alors d'abord, Barbet est chronologiquement appartient à la même génération que Dumas, puisqu'il est né en 1808, Dumas est né en 1802, mais c'est un romancier beaucoup plus tardif, c'est-à-dire qu'il commence sa carrière de romancier à la fin des années 1840, avec une vieille maîtresse, et puis l'essentiel de sa production romanesque est produite donc sous le Second Empire et au début de la Troisième République, d'une part. D'autre part, c'est quelqu'un qui a un mépris infini pour le monde de la presse et pour le roman feuilleton. Alors, ça ne l'empêche pas de gagner sa vie en étant journaliste. C'est un critique féroce sous le Second Empire, au pays. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas entrer dans le système de la littérature industrielle, qui est occupé, on va dire, par Dumas, qui, lui, ne s'en cache pas du tout. Au contraire, ce qui est aussi sympathique chez Dumas, c'est que c'est pas du tout quelqu'un qui prétend faire de la grande littérature. Il s'affiche comme littérateur industriel, constamment. C'est-à-dire qu'il dit qu'il fait travailler des gens, qu'il fait plaisir à des lecteurs, qu'il gagne beaucoup d'argent. Alors, chez Barbet, on est, disons, dans une autre position, un autre type de position littéraire, qui est celle de l'auteur, artiste, poète, et qui fait du roman. Alors, c'est vrai que Barbet d'Aureville a rêvé d'être le Walter Scott normand. Il dit qu'il allait faire du Scott dans les fossés du Cotentin, qu'il y a une dimension historique dans la plupart de ses romans qui, en général, remontent au temps de l'Ancien Régime, mais ensuite qui traversent le temps de la Révolution française pour venir jusqu'à nous. C'est-à-dire que ce sont des narrations historiques feuilletées chez Barbet d'Aureville, décidément. Donc, ça n'est pas du tout un romancier historique au sens classique, au sens dumasien. Voilà. Même si ces narrations sont souvent situées dans le passé, mais qui est un passé plus proche, dans La vengeance d'une femme, qui est au cœur de La griffe du temps. C'est une nouvelle qui est écrite au début des années 1870 et qui raconte une histoire de la fin du règne de Louis-Philippe, donc de l'époque des romans de Dumas, mais qui est aussi celle de la jeunesse de Barbet. Donc c'est plus une histoire qui est prise dans la mémoire de Barbet, je dirais, que du roman historique. Et dans cette griffe du temps, votre ouvrage, Judith Lioncan, l'idée, c'est de saisir ce que l'histoire peut dire de la littérature. C'est extrêmement complexe parce que quand nous parlons de littérature du passé, du point de vue de l'historien, de l'historienne, nous avons un document historique qu'il faut savoir décrypter. Ce n'est pas facile, mais alors là, il y a une mise en abîme terrible dès qu'il s'agit de regarder le roman historique du passé. Parce que nous avons une forme qui est un document historique pour nous, mais d'une représentation, en fait, que les gens du 19e siècle avaient du passé. Il y a un jeu comme ça de billard. Oui, alors il y a un feuilletage complexe. Si on revient à Dumas, il s'agit de comprendre la documentation historique qu'il a utilisée pour produire du roman. Une documentation historique qui, elle-même, est souvent pleine de littérature, puisque ce qui l'intéresse, évidemment, pour faire des romans, ce ne sont pas de sèches chroniques, mais, par exemple, des mémoires, des histoires judiciaires, des pamphlets, donc des formes d'écriture qui, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, sont déjà fortement littérarisées. Il en tire quelque chose du côté du roman. Donc, il y a un premier type de travail qui est de travailler sur les sources des romanciers historiques. Ensuite, le roman lui-même devient, pour nous historiens, une source d'abord sur la vie culturelle, sur les représentations collectives et sur ce que pouvait représenter la littérature pour des lecteurs du XIXe siècle. Et alors là, c'est une question qui est historique en tant que telle. Et puis, historique et complexe aussi. Mais c'est passionnant hein, d'étudier comme ça, à partir d'une nouvelle, en l'occurrence une nouvelle de Barbet d'Aureville, comment on peut décrypter, tirer les fils. Mais avec Alexandre Dumas, là, nous avons aussi une difficulté. Vous avez utilisé une nouvelle, mais à l'œuvre d'Alexandre Dumas, si l'on comparait, c'est ça aussi, c'est la masse qui rend très difficile. Je vous vois rigoler, Isabelle Safa. Non, mais c'est ça, étudier, comme vous avez fait votre thèse sur Alexandre Dumas, c'est aussi dur à manier. L'œuvre complète de Dumas. Alors c'est beaucoup de pages, effectivement, c'est beaucoup de volumes, mais on ne s'ennuie jamais. Enfin, c'est très plaisant. On prend plaisir à le lire. Il a écrit pour ça, effectivement, comme Judith Lioncan le rappelait. C'est quelqu'un qui écrit pour être lu. C'est quelqu'un qui écrit pour faire adhérer le lecteur. Et c'est quelqu'un qui écrit, qui est fier d'être ce qu'il appelle lui-même un vulgarisateur, justement. Oui, et avec un écho qui dépasse hein, son temps d'existence, le 19e siècle, il meurt en 1870, mais Alexandre Dumas, on en parle bien après, on en parle encore aujourd'hui, évidemment, il a inspiré tant et tant. Que représente pour vous l'histoire, Alain Decaux? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle était toute votre oui. vie, qu'elle avait bercé votre enfance presque. Oui, oui, parce que, au fond, l'histoire, je l'ai rencontrée quand j'étais tout jeune, très jeune. Oui, mais à quel âge? Mais je peux déterminer l'âge, à 11 ans. À 11 ans. 11 ans, c'est précis. Oui, oui, c'est précis. C'est parce que, à 11 ans, mon grand-père m'a apporté mon premier livre d'Alexandre Dumas. Alors, j'ai ouvert ce livre, je n'avais jamais lu Alexandre Dumas. J'ai lu. C'était le Comte de Monte Cristo, il y avait 6 volumes. J'avais, il faut dire, l'appendicite. Par conséquent, j'étais couché, et pendant une semaine, j'ai lu le Comte de Monte Cristo. Alors, j'ai tout de suite réclamé d'autres Dumas, et alors ça a été toute la Kyrielle, les Trois Mousquetaires, etc., Madame de Montsoreau. Et à travers Dumas, je découvrais un passé. Je ne découvrais pas l'histoire, parce que Dumas, c'est à partir de l'histoire quelque chose de merveilleux, mais ça n'est pas de l'histoire. Mais à travers Dumas, j'accédais au passé, c'est-à-dire à autre chose, à ce qui a été avant nous. Et surtout, Dumas me mettait en contact avec des hommes de chair, ouais. des hommes de sang, des hommes dont je me disais, ils sont comme nous. Au fond, quand je voyais D'Artagnan chez Louis XIII, je me disais, mais il pourrait avoir un D'Artagnan aujourd'hui. Ah bah oui, il pourrait. C'est Alain Decaux qui s'exprimait au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie en 1977. Judith Lioncourt, il y a ce phénomène exceptionnel au XIXe siècle avec le roman historique. Et puis, en parallèle, nous l'avons évoqué avec Jules Michelet, des historiens qui réfléchissent. Mais en fait, ce goût de l'histoire, ça s'alimente l'un et l'autre. Et le goût de l'histoire, mais moi j'ai mal répété, avant de lire La Griffe du Temps, par exemple, votre ouvrage, souvent, dans une vie, nous passons par d'autres vecteurs pour arriver à ces livres-là. Alexandre Dumas, par exemple. C'est sûr que Dumas a un rôle fondamental dans la construction de l'imaginaire du passé, et je ne crois pas qu'aucun historien du 19e siècle puisse y échapper. Et c'est si prégnant que toute sa manière de raconter l'histoire du siècle de Louis XIV, ou la Régence, ou la fin de la Révolution française, crée des images qui sont si persistantes que parfois, le premier travail de l'historien, c'est de commencer par défaire ces images, et notamment de défaire cette espèce de psychologisation du passé, qui est quand même en principe ce qu'on doit éviter de faire lorsqu'on s'intéresse à des périodes anciennes, d'aller simplement plaquer des sentiments comme la jalousie, l'envie, ou des représentations anachroniques sur les hommes et les femmes du passé. Mais alors Dumas a une prégnance qui est parfois difficile à défaire. Oui, c'est ça aussi qui nous plaît, parce oui, que c'est ça qui nous plaît. Vous l'avez bien dit, souvent en plus ces romans étaient accompagnés d'illustrations, donc notre imaginaire, dès qu'il est question des Trois Mousquetaires, provoque des images mentales, mais qui nous viennent de nos lectures d'Alexandre Dumas, des illustrations que nous avons vues. Isabelle Safa, il y a vraiment de ça aussi, tant et tant d'histoire, de narration, c'est ça qui est passionnant avec le roman historique, c'est la narration, comment nous sommes portés, conduits, et peu importe presque les anachronismes, les erreurs. C'est vrai que c'est presque un jeu de les relever, hein, des sangliers qui découpent des pommes de terre bien avant Parmentier en France, des petites maladresses autour de Port-Royal avec des petites erreurs où l'on antidate des choses. Mais c'est pas ça en fait la question. Non, c'est pas ça qui compte le plus. Effectivement, vous avez rappelé l'exemple de la pomme de terre. Il y en a plusieurs autres. Il y a parfois même des petits détails inventés. Mais l'idée, c'est que ça contribue à faire un ensemble qui est à la fois vraisemblable comme représentation du passé et qui dit quelque chose qui peut se révéler assez juste. Je prends l'exemple dans le Vicomte de Bragelonne. De cette décision prise par Colbert de remplacer les rubans d'argent que portent les Suisses par des rubans de faux. Alors évidemment, ce détail est complètement inventé. Mais qu'est-ce qu'il révèle ? Il révèle le passage d'une économie baroque, de la générosité, du don gratuit, un petit peu du panache comme ça, à quelque chose de beaucoup plus rationnel, de beaucoup plus froid, de calculé, qui pour Dumas représente à cette époque la mise en place de la raison d'État, en fait. Donc le détail a beau être inventé, faux, l'idée c'est qu'il va refléter une représentation qui correspond, alors ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement juste historiquement, mais en tout cas elle correspond à la manière dont Dumas se représente, ce qu'est le passage justement à cette raison d'État et puis à la monarchie absolue. Et puis tant mieux qu'il y ait ça, parce que bah, déjà c'est un plaisir de lecture, il faut le dire avant tout, c'est un régal de lire Alexandre Dumas. C'est lui aussi qui a conduit beaucoup de gens vers l'histoire, donc tant mieux aussi. Et puis Judith Lioncan, tant mieux parce qu'il donne du travail aux historiens, aux historiennes, parce qu'il a créé, mais vous l'avez dit, tellement de représentations que en fait, il est possible uniquement de travailler sur la déconstruction de ces représentations. Il y a tout un champ, un univers à faire, où l'histoire même de la représentation de l'événement suffit à elle seule, plus que l'événement lui-même. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'historiens travaillent uniquement à défaire les représentations construites par Dumas, parce que d'une certaine manière, c'est évident. Mais disons que ça se joue peut-être à des niveaux qui sont plus subtils dans la manière dont on s'imagine le passé et qui sont difficiles à saisir, à situer, à fixer. Et alors, c'est vrai que pour le XVIIe siècle, il y a une vision, la vision de Richelieu, de la raison d'État, les petites messes basses entre Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. Tout ça a créé une imagination du passé qui est extrêmement persistante. Voilà. Alors, il s'agit pas simplement de la défaire, il s'agit de comprendre aussi comment elle a formé des générations d'écoliers qui non seulement ont lu du Dumas, mais qui ont vu des images inspirées par les romans de Dumas, qui ont vu des tableaux inspirés par les romans de Dumas, et on n'a pas parlé des adaptations ni pour le théâtre, ni pour la télévision, ni pour le cinéma, ni pour la radio, qui est un mouvement qui ne s'est jamais arrêté. Et puis avec tous ces personnages qui font l'œuvre de Dumas, alors des grands personnages, des rois, ces reines qui ont longtemps été porteurs de ce qu'a tort, parce que c'est une expression inventée, a été appelé le roman national, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais une manière de narrer l'histoire avec des grands personnages, et puis d'autres personnages. C'est une forme de narration de l'histoire que l'on retrouve encore aujourd'hui. Alors là aussi, c'est une narration de l'histoire un peu manipulée, c'est-à-dire qu'on a figé l'histoire de France dans ces grands personnages. Dumas, pas dire qu'on est responsable, il est très très loin de toute cette réflexion-là, lui. Il n'écrit pas une histoire de la France comme Michelet a pu voulu le faire. Ah, si, quand même un peu. Si, il me semble qu'il est très préoccupé par la constitution. Isabelle Safal disait tout à l'heure, il est très préoccupé par la constitution d'un récit national, d'un récit des origines de la modernité, d'un récit du progrès. Voilà, donc il est très préoccupé par la construction d'un récit de l'histoire de l'État, par exemple. Oui, l'histoire de l'État. Et il est préoccupé par la transmission, effectivement. Il le dit dans ses romans de la Révolution. Il se vante d'avoir appris l'histoire au peuple. Et il dit que c'est un privilège contre lequel il n'y aura pas de nuit du 4 août. Donc, c'est de léguer l'histoire au peuple, c'est le moyen de le rendre acteur, justement, de cette histoire. Il dit aussi qu'il a pris à cœur d'introduire l'instruction dans ses romans. Et donc, il y a vraiment chez lui une importance et une nécessité de la pédagogie qu'on retrouve dans ses romans, soit à travers des scènes où il met en fiction cette pédagogie à travers des dialogues, soit dans des moments où il prend la parole pour dire à quel point c'est important. Et de ce point de vue-là, on peut rapprocher ce qu'il fait de ce qui va être l'entreprise des historiens de la Troisième République. C'est ça, c'est d'ailleurs Dumas qui inspire aussi, parce que Dumas fait partie des lectures à l'école, lectures pour la littérature, pour la langue, pour le français, quand en parallèle, eh bien, on va lire Ernest Lavisse dans le manuel scolaire. Merci vivement à vous deux de nous avoir parlé d'Alexandre Dumas et de nous avoir donné envie de relire. Et puis je rappelle La Griffe du Temps, Judith Lioncan, chez Gallimard. Mais pour le moment, nous retrouvons un autre magnifique conteur, c'est Gérard Noiriel, avec Le pourquoi du comment. Fallait-il renvoyer Marie Curie en Pologne? En novembre 1911, éclate ce que la presse de l'époque a appelé l'affaire Langevin. Marie Curie, la veuve de Pierre Curie, qui est mort en 1906, est accusée d'avoir voulu séduire le physicien Paul Langevin, qui était alors en instance de divorce. Des lettres sont publiées dans la presse, présentées comme des preuves d'une liaison amoureuse. L'épouse de Langevin porte plainte contre Marie. Le procès n'aura finalement pas lieu, mais cette affaire débouche sur un énorme scandale. Elle révèle d'abord les clivages qui divisent le monde des journalistes. Certains s'indignent en effet qu'on puisse étaler aux yeux du public des affaires qui relèvent de la vie privée. Pour Henri Chervet, journaliste à Gil Blas, si de pareilles mœurs devaient être demain celles de la presse, nous serions beaucoup à réclamer, comme pour les avocats, un conseil de l'ordre des journalistes qui surveillerait de très près les défaillances professionnelles et qui exclurait sans pitié d'un métier qui compte tant d'honnêtes gens et courageux écrivains, les mufles et les indignes. Si Chervet revenait aujourd'hui parmi nous, il serait certainement effondré en voyant la place qu'occupent dans les médias ce qu'il appelait des défaillances professionnelles. Cette affaire montre bien aussi comment les agitateurs d'extrême droite, lorsqu'ils perdent une bataille, parviennent à utiliser les arguments de leurs adversaires pour les retourner à leur avantage. Vaincus par la gauche dreyfusarde, qui s'était battue au nom de la vérité et de la justice, la droite nationaliste reprend ses valeurs à son compte contre Marie Curie et ses amis. S'ils ont publié dans leurs journaux la correspondance privée entre Marie Curie et Paul Langevin, écrivent ses réactionnaires, c'est au nom de la vérité, parce qu'ils ont voulu briser la loi du silence. Et c'est au nom de la justice qu'ils ont pris la défense d'une mère de famille française dont on a détruit le foyer. Cette rhétorique est mise au service d'une xénophobie qui s'en prend aux origines polonaises de Marie Curie, présentée comme une étrangère qui prétend parler au nom de la raison pour cacher son monstrueux égoïsme. L'extrême droite s'attaque aussi à ceux qui la défendent, les intellectuels qui se réclament des idées nouvelles, qui prêchent le féminisme intégral en prétendant affranchir la femme des servitudes gothiques alors qu'ils s'attaquent à une femme isolée et désarmée. « Comment s'étonner, ajoute-t-il, que les Français perdent confiance quand ils voient les représentants de la plus hautaine et de la plus insupportable des bourgeoisies d'aujourd'hui s'acharner contre une simple mère de famille qu'on traite d'inintelligente parce qu'elle n'est pas doctoresse. » La polémique prend alors une telle ampleur que l'Université de Paris prépare un rapport sur la complicité d'adultère de Marie Curie et des voix s'élèvent pour l'inciter à retourner en Pologne. Le comité qui vient de lui attribuer le prix Nobel de chimie lui suggère de ne pas participer à la cérémonie de remise du prix en raison du scandale dans lequel elle est impliquée. Marie Curie fera pourtant le voyage jusqu'à Stockholm après avoir répondu ceci aux membres du comité. « Je ne puis accepter de poser en principe que l'appréciation de la valeur d'un travail scientifique puisse être influencée par des diffamations et des calomnies concernant la vie privée. » C'est là et dit. Merci Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment est à retrouver à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, préparé par Marion Dupoint, Tosca Zundes, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Et faites un tour sur notre site pour toutes les références de ce dont nous avons parlé pendant l'émission.